Donc je vais laisser la parole à Pascal Laborier. Bon, alors moi, mes collègues ont déjà largement présenté la situation à Paris 8 et Paris 10. Donc je vais essayer de rajouter quelques compléments et puis essayer de réinterpréter aussi ce qu'on peut faire et penser de cette situation qui est quand même extrêmement grave. Il faut dire aussi que le président de Paris 10 et la présidente de Paris 8 ont écrit une lettre commune à la ministre Fioraso lorsqu'elle était encore en poste pour demander si on avait le choix entre l'association et la commune, et qu'elle a fait dans sa réponse, que j'ai apportée avec moi, une version, donc le 28 février, une version très restrictive de la loi. Je pense que cette réponse peut être attaquable devant un tribunal administratif. Il faut demander aux collègues juristes. En gros, l'interprétation localement a été devant les conseils réunis qu'on n'a qu'un choix, c'est la commune ou commuée, je ne sais pas comment vous voulez dire, mais voilà. Ce qui semble, au travers de ces différents débats, c'est finalement quelque chose de l'ordre de la pression politique, c'est-à-dire, en fait, on n'a pas le choix, non pas pour des arguments juridiques, c'est on n'a pas le choix, parce que si on ne rentre pas dans ce que souhaite le ministère actuellement, on n'aura pas de budget. En gros, c'est ça. C'est la même chose pour les presses, pour les IDEX. En fait, tout le monde rentre dans le rang. Ça veut dire qu'ici, c'est urgent de prendre aussi des positions d'un point de vue national de solidarité. C'est que finalement, on est tous un peu dans le même bateau et chacun a une stratégie individuelle. C'est pour ça qu'on est tous dans ce type de processus. C'est un peu la logique ici du free rider. On a tous l'impression que si on ne rentre pas dedans, on n'aura pas d'argent. C'est un peu comme les IDEX, en effet, c'est la même chose. Mais je ne vois pas comment on aurait tous plus d'argent en rentrant dans une situation où tout le monde a moins d'argent dans les universités, puisque finalement, je ne vois pas comment il y a une faillite d'un côté et plus d'argent de l'autre. Ça veut bien dire qu'effectivement, une fois qu'on aura tous plus d'argent, on aura tous moins d'argent, c'est logique. Bon, voilà, donc ici, je sais qu'il y a des propositions d'un moratoire, mais je pense qu'on a besoin d'une voix, de faire voice, comme dit Hirschman, parce que sinon, effectivement, à part de rentrer dans des négociations individuelles, comment faire autrement? Parce que c'est vrai, est-ce qu'on peut être les seuls à ne pas rentrer dans une commune pour s'opposer? Alors, il y a des petites marges de manœuvre qui sont la suivante, c'est ce que vous disiez, bon, Paris 8 a déjà proposé, par exemple, le fait d'un suffrage indirect par ses conseils. À Paris 10, on n'a pas encore voté dessus. On peut encore avoir un suffrage direct pour se prononcer. Donc là, voilà. Mais alors, ce qui est très important ici, c'est on a évoqué deux choses. Juste deux points, puisque je n'ai pas tellement de temps. Sur ce problème de ces associations, ce qui n'est pas une association, donc ce qui est une communauté, une commune. La question du leadership et la question de la gouvernance. Qu'est-ce que ça montre? Pour le leadership, donc, ça veut dire aussi des questions de site. Alors, on s'aime beaucoup entre Paris 8, Paris 10. On est prêt à faire des choses ensemble. Bon, ce n'est pas pour dire, mais d'aller de Saint-Denis à Nanterre, ce n'est pas du tout simple. Il n'y a pas de transport en commun. C'est une heure de trajet. Ça veut dire quoi? Pour des cursus, les enseignants vont aller d'un endroit à l'autre. L'administration, il y a un leader, donc l'administration va être centralisée. Comment ça va se passer? Ça veut dire qu'il va y avoir un transfert de budget à la commune. Est-ce que c'est la commune qui va pouvoir décider de certains droits d'inscription pour certaines filières dont la commune aura eu le transfert de compétences par subsidiarité parce que effectivement localement on aura été incompétent pour la mettre en œuvre. J'étais récemment à Marne-la-Vallée qui ont un problème aussi. C'est les bons élèves de la classe, mais ils ont pris des douches froides entre-temps. Eux, ils ont été dans un rapprochement avec Créteil, c'est pareil. Enfin, il y a un bus où on met une heure ou une heure et demie pour aller de Marne-la-Vallée à Créteil. Eux, ils sont dans des systèmes actuellement de gestion de salles liés avec leur salaire et les gros regroupements. C'est-à-dire, s'il n'y a pas assez d'étudiants dans une salle, finalement, on regroupe les salles. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle ce système. Il n'y a personne qui est de Marne-la-Vallée ici? Comment s'appelle ce système en Ile-de-France? Cigis ou je ne sais pas Bon, enfin, c'est un système qui gère les salles. C'est ce qu'on vient d'acheter à Paris. Bon, alors voilà. Alors, mes collègues. Alors, bon, j'allais à Marne-la-Vallée pour un comité de recrutement complètement autre chose. Donc, ils m'ont raconté l'histoire. Donc, c'est un système qui gère vos salles, qui définit un niveau idéal d'étudiants. Bon, je ne raconte pas à Marne-la-Vallée, je continue sur mon histoire. Mais en tout cas, c'est infernal, c'est la pire des bureaucraties. Donc, ici, la question, c'est comment on va gérer la question des étudiants, des salles, des salaires. Je vous raconte si vous me posez une question après. Bon, la deuxième chose, c'est quand même la transparence. Il semblerait, par des élus syndicaux, parmi mes collègues, qu'on soit la version, pas zéro, mais V4 de ce projet de commune. Moi, je suis élue au conseil scientifique qui est voué à disparaître. Je n'ai jamais vu même aucune version de ces projets. C'est-à-dire que, en fait, on est des enseignants, on est des élus, on ne voit aucun papier. Voilà. Donc, pour conclure, ces machines, en fait, tout à l'heure, on parlait de paranoïa. On a raison d'être paranoïaque parce que moi, j'ai des collègues qui sont des spécialistes de sociologie des organisations. Ils ont été payés pour faire des stages de formation à tout ce groupe Marc Bloch pour expliquer comment on réforme des bureaucraties irréformables. Donc, ils ont expliqué pour la sociologie des organisations, explique, vous, pour réformer ce qui n'est pas réformable, vous donnez de l'argent à une autre entité pour dissoudre les autres. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, on a raison d'être paranoïaque. Et donc, du coup, on est face à des bureaucrates qui détiennent des informations qu'on ne connaît pas. Donc, d'une certaine façon, c'est la même chose. On nous a demandé de faire des plannings il y a 4-5 ans des recrutements. Mais ça veut dire que quelques personnes savent qu'on a des postes à 4-5 ans, qui vont pouvoir gérer des personnels. C'est le nouveau truc de recrutement, etc., les RCE. Bah, qu'est-ce qu'on va en faire? On devrait refuser de répondre à ce type de choses. On devrait se révolter. On devrait arrêter de se plier à ce type de loi. Donc, d'une certaine façon, on est typiquement dans une réforme bureaucratique. Le rôle de producteur est complètement gommé. D'une certaine manière, bon, moi, je reviens d'Allemagne. Ça fait 2 ans que je suis revenue. Je travaille dans un labo. On travaille beaucoup sur la RDA. Et puis, donc, j'ai suivi des travaux, des thèses. On me demande toujours pourquoi, mais comment ça pouvait marcher, ces espèces de grands systèmes d'entreprise où il y avait des milliers de personnes dans les campagnes, où on faisait des faux rapports, enfin, ces espèces de bureaucratie qui tournait dans le vide. Mais d'une certaine façon, avec les gens qui ne se révoltaient pas parce qu'ils voulaient quand même y avoir des primes, donc on racontait que la production était plus importante. Mais d'une certaine façon, moi, j'aurais presque envie d'écrire un texte qui parodie des choses qu'on racontait sur le fonctionnement de ces entreprises. Et dire à la femme, en fait, c'est le système actuel. Alors, c'est, évidemment, ce n'est pas Cassandre, mais on n'en est pas loin quand même. Donc, il est temps un petit peu de faire vox, parce que sinon, je pense que la solidarité est très importante, même si on s'aime bien les uns les autres.